vers les nuages. J'ai respiré trop d'air, je m'envole vers les nuages. Mais de quoi j'ai l'air, je n'ai plus les pieds sur terre. Je commence à m'en faire, je n'ai plus les pieds sur terre. Direction sol lunaire. Les idées claires, la vie à quoi ça sert, je n'ai plus les idées claires, au risque de vous déplaire. Je quitte le sol terrestre, plus rien ne m'intéresse, je veux aller voir ailleurs, si la vie est meilleure. Si la vie est